collation du matin, un café, mon écran. Je retrouve les copines dans ce petit coin charmant. Des couleurs, des étoiles, des sourires qui défilent. Un bonjour, deux, trois blagues et la journée scintille. On partage nos idées, on s'entraide, on vient rêver entre deux mots. De fou rire, on oublie le temps qui file. La question, toute l'année, on s'amuse à imaginer des pin-ups, des tubes, des photos enchantées. La question, bonne humeur, chaque jour un peu de couleur. On récrée, papoter, vider son cœur. Vas-y, une idée en fait mettre mille dans ce joyeux bout de vie. La pression toute l'année, on s'amuse à imaginer des pin-ups, des tubes, des photos enchantées. La pression, bonne humeur, chaque jour un peu de couleur. On décrit, papoter, vider son cœur. La pression, c'est le bonheur. Florent, qui vient l'animer. On parle de tout, de rien et de ce qu'on fera demain. Un clin d'œil, un petit mot et les doutes tombent de haut. Dans ce forum, petit paradis, on se sent comme entre amis. La fashion, toute l'année, on s'amuse à imaginer des pin-ups, des tubes, des photos enchantées.